haut, des jambes de bois pour le tempo. Un blues qu'aurait l'air d'autre chose, un musette qui prendrait la pose, un air des Carpates à cinq pattes, un truc qui les manche quand on rate. Plus tu grattes et plus ça les mange, plus ça les mange, et plus tu grattes. Plus tu grattes et plus ça les mange, plus ça les mange, et plus tu grattes. Un tango glissant vers le swing, un boléro venu de Chine, un cha-cha-cha venu du froid, un foxtrot du pimpant des voix, une bourrée venue des îles qui met dans un état fébrile, un charleston de carnaval qui a mis de l'huile sur ses cymbales. Frappe et plus ça balance, et plus tu frappes. Plus tu frappes et plus ça balance, et plus tu frappes. Plus tu grattes, plus tu grattes, plus ça les manges.